Matthieu chapitre 6. Prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes, pour en être regardé, autrement vous n'en recevrez point la récompense de votre Père qui est aux cieux. Lors donc que tu feras ton aumône, ne fais point sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites font dans les synagogues, et dans les rues, pour en être honorés des hommes. En vérité je vous dis, qu'ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais ton aumône, que ta main gauche ne sache point ce que fait ta droite. Afin que ton aumône soit dans le secret, et ton Père, qui voit ce qui se fait en secret, t'en récompensera publiquement. Et quand tu prieras, ne sois point comme les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout, dans les synagogues et au coin des rues, afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous dis, qu'ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet, et ayant fermé ta porte, prie ton Père, qui te voit dans ce lieu secret, et ton Père qui te voit dans ce lieu secret, te récompensera publiquement. Or, quand vous priez, n'usez point de belles redites, comme font les païens, car ils s'imaginent d'être exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc point, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi, notre Père, qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et nous quitte nos dettes, comme nous quittons aussi les dettes à nos débiteurs. Et ne nous induis point en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi est le règne, et la puissance, et la gloire à jamais. Amen. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi les vôtres. Mais si vous ne pardonnez point aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera point non plus vos offenses. Et quand vous jeûnerez, ne prenez point un air triste, comme font les hypocrites, car ils se rendent tout défaits de visage, afin qu'ils paraissent aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité je vous dis, qu'ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête, et lave ton visage, afin qu'il ne paraisse point aux hommes que tu jeûnes, mais ton Père qui est présent dans ton lieu secret, et ton Père, qui te voit dans ton lieu secret, te récompensera publiquement. Ne vous amassez point des trésors sur la terre, où les vers et la rouille consument, et où les larrons percent des robes. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne consument rien, et où les larrons ne percent ni ne dérobent. Car où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. L'œil est la lumière du corps, si donc ton œil est net, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est mal disposé, tout ton corps sera ténébreux, si donc la lumière qui est en toi, n'est que ténèbres, combien seront grandes les ténèbres mêmes. Nul ne peut servir deux maîtres, car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Considérez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'assemblent dans des greniers, et cependant votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus excellent qu'eux? Et qui est celui d'entre vous, qui puisse par son souci ajouter une coudée à sa taille? Et pourquoi êtes-vous en souci du vêtement? Apprenez comment croissent les lilas des champs, ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui sur pied, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plus tôt, aux gens de petite foi? Ne soyez donc point en souci, disant, que mangerons-nous, ou, que boirons-nous, ou, de quoi serons-nous vêtus, vu que les païens recherchent toutes ces choses, car votre Père céleste connaît, que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc point en souci pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de ce qui le regarde. À chaque jour suffit sa peine.